ce que je fais, c'est que je travaille sur une pièce qu'on a conçue avec Pauline Delwall, qui est aussi ici en atelier. Et on est en train de fabriquer un rocher en laine feutrée. Et du coup, c'est pas un rocher anodin, c'est un rocher dans lequel on peut entrer et qui est en fait une tente. C'est un rocher voyageur. Et on travaille donc la laine comme principal matériau. Et donc on utilise la laine brute, donc c'est de la laine qui a été tondue, nettoyée, puis cardée. Donc elle est posée en nappe, en posant les fibres. C'est comme des brosses en fait. Et ensuite, je la retravaille en les posant par couches, plus ou moins épaisses, en fonction du feutre que je veux. Et ensuite, je frotte. Je mets de l'eau, du savon pour aider à ce que ça glisse. Et tout mon travail, ça sera de frotter dans le bon, dans un sens, dans un autre, en fonction de comment je veux que ça aille. Donc voilà, et là je plisse ou je fais je crée des bosses dans le feutre pour donner une texture au rocher. Voilà, après il y a plusieurs manières de frotter, mais c'est vraiment le frottement qui fait le feutre. Au fur et à mesure, les fibres s'entremêlent, les fibres se resserrent les unes contre les autres et forment au fur et à mesure un textile costaud, imperméable. Et après, on n'a plus d'air entre les fibres. Et voilà, c'est ça qui rend ce textile imperméable et intéressant, parce qu'aussi, les fibres s'accrochent les unes aux autres, forment un genre de structure très petite. Donc, du coup, on peut lui donner un volume. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je suis en train de m'imprimer un volume par mon geste. Après, c'est parce que aussi là, c'est un très grand format. Après, c'est toujours physique. Même pour les petites choses comme derrière vous, c'est quand même. Enfin, faut quand même frotter, rouler. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment une très belle matière, très agréable et très sensible à ce qu'on lui donne en fait, au geste qu'on lui donne, qui est cette mémoire-là.